Si t'as peur du noir, n'aie plus d'inquiétude. J'illuminerai tes nuits de ma présence. On fera l'amour sous le clair de lune avant que le soleil se lève et que les oiseaux chantent. Yeah, yeah. Attention, ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Bien roulé comme en vélo. Tu me trouves bon, je fonds dans ta bouche comme un bonbon. Laissons nos corps parler sans se dire un mot. On se mélange comme mon coca et mon bonbon. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Attention, ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Yeah. Ta vie quand on baise ensemble c'est mieux que le cinéma. J'suis gentil dans le fond mais sévère en surface pour pas que t'imagines jusqu'au mariage. On se met tellement bien, j'ai oublié qu'on a dépassé le troisième quart d'heure. Je ne suis pas fait pour toi, toi t'es gentil, tu mérites qu'un de ces putains de lover. Yeah. Attention ma belle, j'suis franc comme si j'avais teasé Jack D. J'emmerde tous tes problèmes de cœur, en ce moment j'suis à la recherche d'un tarpé. Quand j'suis foncé j't'appelle Miskina, j'crois que tu connais mon numéro par cœur. T'as vu la dégaine, tu t'es pied, je ne suis pas qu'un beau parleur. Si t'as peur du noir, n'aie plus d'inquiétude. J'illuminerai tes nuits de ma présence. On fera l'amour sous le clair de lune avant que le soleil se lève et que les oiseaux chantent. Yeah, yeah. Attention, ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Les bonnes bien roulées comme en vélo. Tu me trouves bon, je fonds dans ta bouche comme un bonbon. Laissons nos corps parler sans se dire un mot. On se mélange comme mon coca et mon bonbon. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Attention ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Attache ta ceinture ce soir, car tu roules avec moi. Si t'as peur du noir, t'inquiète bébé, moi je verrai sur toi. L'amour tu n'y crois plus, car des ex m'ont fait perdre la foi. Et plus je t'ai baisé, plus tu m'aimes, et ces mots tu me le sors à chaque fois. J'ai des nouvelles sucreries à te faire goûter. J'ai des nouvelles huiles, de la nouvelle huile. Pour te faire passer les bons moments, tu sais que je suis doué. On s'en lassera passionnément sous le dragon va souiller. Si le bébé ne t'attache pas au lien qu'on a noué. Car si on va ensemble pour la vie et ton souhait. Sache mon cœur ne pas à prendre mais ma bite est à louer. Si t'as peur du noir, n'aie plus d'inquiétude. J'illuminerai tes nuits de ma présence. On fera l'amour sous le clair de lune avant que le soleil se lève et que les oiseaux chantent. Yeah, yeah. Attention ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Les bonnes bien roulées comme en vélo. Tu me trouves bon, je fonds dans ta bouche comme un bonbon. Laissons nos corps parler sans se dire un mot. On se mélange comme mon coca et mon bonbon. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Attention ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Je te dirai sûrement des mots d'amour juste pour te A conseil ma chérie, évite les mecs comme Je suis à ta main, ne t'attache pas. Tu vas souffrir. Ouais. Je te répète, ne t'attache pas. T'as des envies de mourir. Ouais. Je préfère te dire, j'ai plus de fils que toutes ces bitches. Ta paupière est déridière. En toute sincérité, je m'en fiche. J'ai le truc qu'ils ont pas, ma chérie, qui pourra te faire tomber là. Fais gaffe, ma chérie, tu peux tomber là. Si t'as peur du noir, n'aie plus d'inquiétude. J'illuminerai tes nuits de ma présence. On fera l'amour sous le clair de lune avant que le soleil se lève et que les oiseaux chantent. Yeah, yeah. Attention ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, je sais que t'aimes quand j'innove. Les bonnes bien roulées comme en vélo. Tu me trouves bon, je fonds dans ta bouche comme un bonbon. Laissons nos corps parler sans se dire un mot. On se mélange comme mon coca et mon bonbon. Yeah, yeah, yeah, yeah. Attention ma belle, le négro peut te faire tomber love. Dans son comme au pieux, cocotte, tu sais que t'aimes quand j'innove.